rencontrer en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 88 842 2734. Pédalier.ca. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, Jean-François Lamarre à l'animation. Et ce soir, on est tout fébrile parce que la convention Terra Incognita s'en vient, ça sera pas long, 2 semaines seulement à attendre. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent présentement. Ben, j'ai un nouveau numéro de Progressis entre les mains. On va faire jouer quelques extraits du CD qui vient avec ça. Et on a aussi toutes sortes de nouveautés et plein de choses existantes, entre autres qu'on va parler, entre autres une biographie de Serge Fiori. On va sûrement jaser un petit peu de ça parce que Serge Fiori a fait partie du plus grand groupe de musique progressive au Québec, ça c'est sûr. Et on se replonge là-dedans. Mais entre-temps, ça m'a pris du temps un petit peu de l'avoir. C'est le dernier Riverside. Parce que moi, un petit peu maniaque, là, j'aime ça avoir les éditions limitées avec un bonus CD. Et ça m'a pris un petit peu plus de temps à mettre la main dessus. Ça s'appelle Shrine of New Generation Slaves. Et, moi, j'étais pas très amateur, disons, de la tangente qui avait pris une tendance assez métal. On sait qu'il y a un petit tiraillement dans ce groupe-là. En fait, c'est un tiraillement qui fait sa force aussi, c'est-à-dire l'alliance des forces heavy metal et des forces de musique progressive avec Marius Duda. Le bassiste qui est très inspiré par les musiques progressives et le guitariste et le batteur qui sont plutôt heavy metal, et ces deux forces-là font ensemble un mariage assez impressionnant quand même. On les a vus sur scène à quelques reprises et ça donne quand même toujours quelque chose de très bien. Et ce nouveau Riverside, ben, il se veut beaucoup plus progressif, beaucoup plus atmosphérique, c'est une sorte de retour aux sources qui lui va très bien. Il y a aussi un nouveau Crippled Black Phoenix, No Sadness or Farewell, et ce band-là est vraiment excellent. Je pense que dans les prochaines années, on va entendre parler de lui de plus en plus. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Jonestown Martin. Et ce premier bloc va se terminer avec Idria Space Folk. Je pense que c'est un band que Bruno aime beaucoup et si je me trompe pas, Bruno en a fait jouer une pièce la semaine dernière. Excellent, oui, c'était une très bonne pièce. Et cette fois-ci, on va entendre Serenus. Donc, on débute avec Riverside et on revient avec un tas de nouveaux commentaires. Thousand Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 418-623-7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Vous travaillez dans la restauration ou l'hôtellerie et vous êtes une bête de scène à vos heures? Participez au concours les lundis de la restauration du bar-spectacle Jules et Jim. Inscrivez-vous avant le 5 mai et courez la chance de gagner la bourse de 1 000 $ décernée par Boréal. Faites vite et consultez la page Facebook du bar Jules et Jim pour connaître les détails. The Barbary Pictures présente Chérie, j'ai réduit la chardonnay. Version québécoise de Honey's Asherons the Chardonnays. Inspiré d'une histoire vraie, en haute dégustation, un brasseur audacieux trouve un moyen de réduire le format d'une bière en utilisant une bouteille plus petite. Michel Marcoux, acteur jamais nommé aux Oscars, est le brasseur Martin Paradis. J'ai une idée, on va prendre une bouteille plus petite. Il est aussi Bastien Tétu, le chef des embouteilleurs. Ok, la gang, on prend une bouteille plus petite. Michel Marcoux également dans le rôle de Sonia Terrien, la représentante. Regardez, le nouveau format va très bien sur la tablette. Michel Marcoux est aussi Michel Marcoux. Maintenant disponible dans un dépanneur près de chez vous. Et on a terminé ce premier bloc avec Andrea Spacefolk. Puis, comme je disais à Bruno, c'est toujours intéressant, Andrea Spacefolk, parce que ce groupe-là se renouvelle et c'est jamais vraiment le même son, même si c'est toujours un petit peu des héritiers de gong et de, disons, autres groupes de genre-là. Là. Mais je me souviens de les avoir vus il y a plusieurs années. En fait, ça fait 10 ans maintenant. Et c'était vraiment impressionnant de les voir aller, de voir ces Finlandais là, débarquer en terre américaine comme ça. Et de se voir reconnaître sur la rue, les gars avaient l'air à ne pas en revenir. Avec le tresse de Rasta aussi, là, c'était un peu spécial. Il faut dire qu'ils jouaient, à cette époque-là, il y avait une espèce de son de reggae là, dans leur musique. Et ça les allait assez bien. Donc, c'est des très bons souvenirs. Juste avant, c'était Cripple Black Phoenix. Et ce groupe-là, comme je disais, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus, un groupe anglais. On avait débuté avec Riverside, les Polonais, avec la pièce Celebrity Touch. Et on va poursuivre avec RPWL de leur album live Start the Fire. Et je pense que ça va nous mettre dans l'ambiance avec la pièce Cymbeline, mais en concert. Et lors de la supplémentaire le lundi, moi je m'attends qu'ils vont jouer cette pièce-là de Pink Floyd avec un extrait à l'intérieur là, de Tattoo Murt Murder. Je serais bien déçu si je ne vois pas cette pièce-là, mais ça, je serais quand même un petit peu surpris parce que c'est supposé qu'ils vont faire des covers de Pink Floyd lors de la supplémentaire du lundi, un show complètement différent de celui du samedi. Donc, si vous êtes un peu amateur de RPWL, je pense qu'on doit se doit d'assister aux deux concerts. Et soit de se mettre un peu dans l'ambiance, on écoutait le DVD tout à l'heure de RPWL Experience et... Donc, c'est une belle prestation qui a eu lieu en Pologne, à Katowice, à la même place finalement que la plupart des autres groupes qui ont enregistré. Et ça donne une bonne idée, je pense, de ce que peut avoir l'air un concert d'RPWL. Ce sera suivi de Pineapple Thief qui a sorti un mini-CD qui s'appelle Built a World. Et lors de la dernière émission, je vous parlais du label K-Scope qui sort toujours des belles productions, et cette fois-ci c'est dans un mini LP et c'est vraiment impressionnant de voir ça, une très très belle pochette avec des champignons là sur un petit peu fluo là, un bleu fluo, et c'est vraiment une très très belle pochette. C'est seulement 5 pièces et ce qu'on va entendre, ça va être une pièce, en fait c'est la pièce titre, mais dans un remix différent. Et on terminera ça avec Aranis, cet extrait de l'album Sampler de Progressive 72 qui est paru dernièrement. Donc on y va tout de suite avec RPWL. Tightrope reach the end. Will the final conflict?

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. C'est KRL. Québec. Ici Marc Gourdeau, directeur général et artistique de Premier Acte. Premier Acte tient le dimanche 5 mai à 18h au Musée de la Civilisation sa traditionnelle soirée bénéfice, un événement festif et convivial, un match d'improvisation de théâtre de marionnettes. Chaque année, plus de 100 jeunes artistes participent et bénéficient d'une façon ou d'une autre au travail de Premier Acte. Joignez donc l'utile à l'agréable. Appuyez la relève théâtrale tout en assistant à une soirée haute en couleurs. Cette soirée est présentée sous la présidence d'honneur de M. Guy Turgeon, président de Termeca Service de Génie, avec la collaboration de la SAQ, de Pastissimo Traiteur, de Bière Boréale et de Érico Chocomusée. Renseignements et réservations, 418-694-9656 ou premieracte.ca. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détails au palaismontcalm.ca. Attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de chez KRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente ici, à CKRL, à 20$. Seulement 20$, pas cher. Viens chercher. 405 3e Avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut. Et nous sommes de retour avec un deuxième bloc qui s'est terminé avec le groupe belge Aranis, qui se définit comme... comme une sorte de musique rock de chambre, finalement, qui s'apparente à celui de Univers Zéro, mais en plus acoustique. En fait, c'est essentiellement acoustique. Et Aranis a des occasions de jouer assez régulièrement. Ils seront, ils ont été, en fait, à la convention Progressis qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Et on les a vus aussi à la au Nirfest l'an dernier, le Nirfest Apocalypse. Et il avait impressionné quand même beaucoup de monde parce que c'est une musique assez complexe et qui sort un petit peu des carcans habituels. Et franchement, moi, je trouve ça pas mal bon. Juste avant, on avait Pineapple Thief avec un EP qui s'appelle Build a World, c'était la pièce titre. Et on avait débuté avec RPWL, un extrait de Start the Fire, leur album live. Et la pièce Cymbeline, qui est une reprise d'une pièce de Pink Floyd, en fait, une pièce assez obscure qui avait été enregistrée à l'époque sur la trame sonore du film More. Et ils en ont fait une version assez personnelle. Et comme je disais un peu plus tôt, moi je m'attends qu'ils vont nous jouer ça lors de la supplémentaire le lundi, le 20 mai. Et il reste encore des billets pour la représentation du 20 mai, mais la convention est complète depuis déjà un bon moment. Et je vous disais un petit peu plus tôt que j'étais en train de lire, comme beaucoup de monde en fait, la biographie de Serge Fiori qui s'appelle « S'enlever du chemin ». Et c'est vraiment très intéressant de revivre un petit peu ce qui le parcours d'Harmonium, mais je pense que c'est la partie la plus intéressante du livre, là. Et ça nous replonge, pour ceux qui ont vécu ça, là, ça nous replonge dans l'univers d'Harmonium de cette époque-là. Et je pense qu'on peut considérer ça comme le meilleur groupe de musique progressive qui est paru au Québec. Et pour être de la musique progressive, ça en est, ça c'est sûr. Avec des embolines mélotron. Et on apprend entre autres dans ce livre-là que Serge Loca, qui a fait partie du groupe à partir du deuxième album, qui son mélotron, c'est Kerry Menhir lui-même, alors que Serge Loca faisait la première partie avec son groupe de l'époque, faisait la première partie de Gentle Giant, et Kerry Menhir avait initié Serge Loca au mélotron. Et Serge Lauca, à ce moment-là, avait voulu s'en procurer un, mais ça n'existait pas du tout en Amérique du Nord. Personne ne vendait ça. Il était obligé de se rendre en Europe pour aller en acheter un et ramener ça au Québec. Et c'est plein d'anecdotes de ce genre-là dans ce livre-là. Et en lisant ça, ben ça donne le goût de se replonger dans l'univers d'Harmonium. Et les albums sont vraiment excellents. Et on va entendre un extrait de... En fait, l'album, c'est pas l'heptade, c'est Harmonium en tournée. Mais la pièce qu'on va entendre, c'est Le Corridor, qui est relativement fidèle à la version de l'album l'heptade. Mais pour le reste des pièces, ils sont allongés, il y a beaucoup de solos. Et ce disque-là étant privé de son... De la partie symphonique qui était interprétée par Neil Chatham. Les versions sont faites plutôt avec beaucoup de claviers et dont du mellotron, et ça donne des pièces qui sont transfigurées et ma foi, je dirais même meilleures que les versions originales. Ça avait été enregistré par Radio-Canada à Vancouver. Quand on sait que Serge Fiori était opposé à la captation live des concerts d'Harmonium. Lui, il voulait pas que ça sorte là, des salles de spectacle. Il considérait que c'était des moments privilégiés, puis il voulait pas que ça sorte. Mais on apprend encore une fois dans le livre que c'est pour des raisons financières qu'ils ont été obligés de laisser sortir cet album-là, et c'est tant mieux pour les fans qui peuvent se délecter de cette très belle musique. Et la pièce qu'on entend, Le Corridor, moi, à l'époque, ça fait partie de la troisième phase de l'album, et mon Dieu, que je la trouvais assommante, cette face-là. Et j'avais vu une critique qui disait que c'était la meilleure, puis je la comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai cheminé, et franchement, on peut dire qu'effectivement, c'est une très bonne face, et ça s'écoute très, très bien. Ce sera suivi de Steve Kitchen avec un album qui s'appelle One for Sorrow, Two for Joy. Et la pièce qu'on va entendre, c'est A Fool's Journey. Et le groupe, en fait, un groupe en deck, il n'en est presque plus un, parce qu'il, en fait, il est un petit peu manœuvré par Thomas Johnson, qui fait partie, ben, en fait, on le présente comme un ex-membre de Rand de la Gare, c'est le claviériste. Et effectivement, quand on a vu Rand de la Gare l'an dernier au Nirfest, il n'était pas avec Rand de la Gare. Donc, on peut considérer qu'il est effectivement partie du groupe. Et ça reste quand même très bon. Il y a des sonorités un petit peu en de la gare. Et on va terminer avec ce bloc-là, avec Henry Fool. Il y a un disque qui est assez atmosphérique. Henry Fool, c'est un groupe qui comprend des membres de No Man, entre autres Tim Bonus. Et on dit des membres aussi de High Monster, que je connais pas, et Roxy Music. Donc, on commence avec Harmonium, ce sera suivi de Tiff Kitchen. On termine avec Henry Fool. Un arbre enracinée, ses racines sont en haut. Tout le monde a vu que l'écorce, la forme déguisait la force. Moi je brûle la tête aux pieds, mon corps veux-tu me laisser? Seul ensemble, plus on est haut, plus tout se semble. Quand c'est beau, tout laisser vivre sans dire un mot. Seul, ensemble, plus on est loin, plus on se ressemble. Le repos, c'est mourir pour apprendre à vivre. Laisser vivre, c'est mourir quand il le faut. Ma tête s'est mise à bouger comme le bout d'une chandelle. La raison part en fumée, on n'aura plus besoin d'elle. La flamme sort des deux côtés. Moi je brûle de la tête aux pieds, au milieu de mon corps monte un grand corridor. The car. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détail au palaismontcalm.ca. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Le Bal du Lézard, une véritable institution depuis 1985. Le bal en a vu passer du monde dans son bar. Des blancs, des bleus, des verts, des gris, des gros, des petits, des pas fins, des fins, des belles, des beaux, des chanteurs, des danseurs, des improvisateurs, des stars de Montréal, des stars de Québec, des DJ, des musiciens, des has-been, des old school, des disco, des new wave. Le Bal du Lézard vous propose des 5 à 7 animés tous les jours. Un choix de 8 bières pression, une vingtaine de vodka, une dizaine de scotch de qualité supérieure et des spectacles tous les samedis. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. Lebaldulezard.com. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. Et nous sommes de retour à l'émission Terra Incognita pour un dernier bloc. Le troisième s'étant terminé avec Henry Fool avec un nouveau disque qui s'appelle Men Singing. Et on a entendu Everyone in Sweden. Et on a vu un petit peu le côté atmosphérique et le côté un petit peu jazz fusion aussi là, de la première partie de la pièce, une pièce assez longue. Un disque qui en contient 4 seulement, 2 longues de 13 minutes et 2 de 6 et 8 minutes entre les deux. Et juste avant ça, c'était Tive Kitchen. Et on avait débuté avec Harmonium. On termine ce dernier bloc. En fait, on commence plutôt ce dernier bloc avec Hypnosis, un groupe polonais qui a sorti un album qui s'appelle Relusion. Et on trouve cette pièce-là sur le sampler du magazine Progressiste. Et c'est un groupe qui fait, encore une fois, un peu dans la musique atmosphérique. J'étais un petit peu distrait là, par quelqu'un, un auditeur là, qui nous entendait, qui nous faisait des babayes. Et on remercie les gens de nous montrer leur sympathie de cette façon-là. Et vous pouvez le faire aussi en nous appelant sur les ondes et en nous... en nous envoyant des messages aussi, c'est toujours possible. Et je vous rappelle aussi que l'émission est toujours disponible en podcast, si vous avez manqué le début ou si vous voulez la réécouter, sur le site de CKRL. Et ce dernier bloc sera suivi de Rome Project, avec une pièce appelée Monument and Status Everywhere. Et c'est un regroupement de musiciens, qui est assez connu, dont Steve Hackett et bien d'autres. Et sur la pièce qu'on va entendre, c'est composé par John Hackett, le frère de l'autre, et Nick Manius, qui est un ancien musicien de Steve Hackett. Et c'est une pièce assez douce, là, comme on connaît un peu ces gens-là. John Hackett, c'est un flûtiste. Et on va faire jouer aussi une pièce de Deep Purple qui a sorti un nouvel album qui est paru cette semaine qui s'appelle Now What. Et ces gens-là sont vraiment, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Là. Je pense qu'ils vont réussir dans la vie, là, si on peut dire ça, là, à Bruno. Hein, je pense que Deep Purple, avec ce nouvel album, on peut dire qu'il y a une belle carrière devant eux autres. Non, sans rire, disons que je pense qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des jeunes et qu'il faut qu'ils mettent les bouchées doubles. Et je pense qu'ils ont bien réussi avec celui-là. C'est bourré d'orgue Hammond et Don Airy. On dirait qu'il y a le diable qui court après. Et on va s'en rendre compte avec une pièce qui s'appelle Above and Beyond. Et on commence avec Hypnosis. Thank you.

C'était Deep Purple avec leur nouvel album qui s'appelle Now What. Et la pièce est Above and Beyond. Et vous aurez sûrement reconnu des petits accents de Perfect Stranger dans cette pièce-là. Et l'album sonne un peu comme ça. Mais moi, je le trouve très inspiré. Je pense que c'est un bon Deep Purple. Et juste avant, on avait The Rome Project et on avait débuté avec Hypnosis. Et c'est déjà le temps de se dire bonne soirée finalement. Et on remercie Bruno pour ses excellents mix. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Soyez avec nous la semaine prochaine. Et en attendant, restez à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Et on se termine sur l'introduction de Sleep de RPWL. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie.